LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Je commence à sortir à l'étalage où il y a les fruits et légumes. Et voilà, il y a les tomates, les citrons, pamplemousse, orange à jus, clémentine, les pommes là-haut, rouge, jaune, vert. Mais l'été, c'est plus joli. Avec les pêches, les nectarines, la multicouleur, les cerises, tout ça, c'est plus... Mais c'est joli même comme ça, non? Si t'avais pas été commerçant, t'aurais fait quoi, papa? Rien. Je te crois pas. Destiné, je pense que j'étais destiné à faire du commerce. Je voulais faire, comme je t'ai dit, moniteur d'auto-école, mais j'ai pas eu cette chance, donc... Oui, mais tu vois, tu dis que t'étais destiné au commerce, qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que tu penses que t'aimais bien ça, finalement, et que tu t'es retrouvé là-dedans? Si, ça va. Au début, mais après, je me suis habitué, j'ai aimé. J'aime le commerce. C'est un métier où il y a eu le contact. C'est bien ça, parce que ça te permet de voir des gens. Malgré les conditions de travail qui pouvaient être difficiles. Ça fait partie du travail, de toute façon. Il n'y a pas un métier facile. Hein. Tous les métiers, ils ont des contraintes, ils ont des difficultés. C'est un beau métier, mais ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps. Et du coup, tu étais triste de vendre? Triste un peu, et puis peut-être un soulagement vers la fin, parce que quand tu arrives à un moment où tu te dis « je travaille pour rien », en fait. Quand tu travailles, tu fais des heures, mais tu ne gagnes rien. Tout ce que tu gagnes, c'est pour payer les factures, pour payer les charges. À la fin, tu dis, c'est peut-être un soulagement, parce que c'est vrai que ça fait mal au cœur, parce que c'est quand même 30 ans de carrière. Mais tu dis, c'est un mal pour un bien, parce qu'au moins, après, tu es soulagé, tu es séparé de cette boutique avec tristesse, mais ça fait partie de la vie. Quand je retourne, je suis un petit peu nostalgique. Je passe devant l'école, vous étiez petit. Je passe devant la boutique un petit peu. De temps en temps, j'y vais, ça me permet de continuer autre chose, quoi. Oui, 30 ans. Ouais, c'est ça. Celle que vous entendez, c'est moi, Noujoud. Le monsieur avec qui je discute, c'est mon père, Jamel. Il a été épicier pendant 30 ans, dans le 19e arrondissement de Paris. En 2016, comme beaucoup de commerçants indépendants qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts face à la concurrence des enseignes de proximité, il vend sa boutique. À l'époque, j'ai 19 ans. Je suis soulagée pour mon père que je vois galérer au quotidien, surtout les dernières années, mais ça me rend aussi un peu triste. Parce que déjà, je réalise que je quitte le quartier dans lequel j'ai grandi, mais aussi parce que c'est comme si une histoire allait disparaître sans laisser de traces. Petite, j'ai vite compris que mon père était connu dans le quartier. À l'école, on me demandait des bonbons, on m'appelait parfois la fille l'épicier. Mon père, c'est l'arabe du coin. Je ne me souviens plus de la première fois où j'ai entendu cette expression. Je me souviens seulement l'avoir trouvée vexante. Comme si quoi qu'il fasse, ces épiciers étaient toujours amenés à leur origine. Un peu comme si c'était la seule composante de leur identité ou de leur personnalité. Et puis en plus, certains épiciers tunisiens ou marocains se disent berbères et non arabes. Cette expression est tellement ancrée dans la langue française qu'elle est devenue banale. Moi-même, en préparant cette série, je ne savais pas quoi en penser. Je vois bien qu'elle est problématique et essentialisante, mais je me dis aussi que cette figure de l'arabe du coin a rendu visible l'immigration maghrébine dans l'espace public. En fait, je pense que ce qui me dérange, c'est l'image qui va avec l'expression, et qui les enferme dans ce cliché de l'épicier qui se plie en quatre, qui est constamment gentil et serviable, et qui ne se plaint jamais. Ce stéréotype efface complètement les histoires personnelles de ces épiciers. Et puis il faut savoir que ces hommes n'avaient juste pas le choix s'ils voulaient pouvoir s'installer et faire vivre leur famille dans ce pays. Ce que j'ai envie de faire dans cette série, c'est justement de raconter les trajectoires de ces commerçants. Des petits morceaux d'histoire intime qui font partie de l'histoire de l'immigration en France. Qui est l'arabe du coin? Épisode 1, l'épicier de Djerba. Une série de Noujoud Rejbi, réalisée par Anne de Pelchin. Moi, quand je suis venu, Je suis venu très jeune. J'avais 16 ans en France. J'appartiens à une famille modeste, on va dire normale, quoi. Qui vit à Djerba, on est 7 dans la famille. Mon père, il a toujours travaillé. Toujours. Un père à tennis, en Algérie, après il est venu en France. Il était commerçant aussi. Oui, toujours commerçant. Les Djerbiens, on s'est répété pour le commerce. Alors il est venu en France, et c'est là que, après quelques années, il a décidé de faire venir, de me faire venir moi et sa femme, enfin ma mère, quoi. Parce qu'il en avait marre peut-être de rester tout seul, histoire de regrouper un peu la famille. On l'a rejoint en France, c'était en 1986, je crois, c'était au mois de novembre, un truc comme ça. Au début, j'ai travaillé avec mon père dans le 12e. Lui, il avait la boutique... Lui, il avait une commerce à son nom. Après, il a cédé la boutique à son associé parce qu'ils étaient deux. Il a fait la demande de la retraite quelques années après. Et il l'a eu. Il l'a eu, bien sûr. Mais une retraite très modeste à des commerçants parce que c'est... Ils font beaucoup d'heures, mais la retraite, en fin de compte, elle est pas très, très... Elle est très, très modeste. Quand tu touches 300 euros de retraite, ici, tu peux rien faire avec. Hein. C'est pour ça qu'il est parti vivre là-bas. Au moins, avec les chances de monnaie, il peut plus ou moins vivre correctement. Moi, je suis resté avec eux un an. C'était une période d'essai, quoi, en fait. Comme un stage, quoi. J'apprenais un petit peu la langue. Prenez un petit peu le métier sur le tas. Après, je suis parti avec mon frère dans le 19e arrondissement. C'est là où il avait sa boutique. Et là, j'ai commencé à travailler pour de bon, quoi. Et quand tu es arrivé dans le 19e, du coup, comment ça s'est passé pour travailler dans la boutique? Là, c'est par rapport au 2e, déjà, c'est une différence. Moi, je trouve que le 19e, c'est plus mélangé. Il y a un peu de tout. Il y a des Français, il y a des étrangers, il y a des... clientèle de tout genre. Donc, je me suis plus habitué dans le 19e que dans le 12e. C'était hein? Plus facile pour toi? Plus facile, voilà. Et après, il y avait mon frère qui m'a beaucoup aidé. Il m'a expliqué comment que ça marche. C'était bien parce que il avait plus de patience que mon père. Parce que mon père, c'est avec l'âge, peut-être, je ne sais pas, il ne me disait rien, quoi. Il ne me guidait pas. Il ne me dit pas qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Il me laissait faire tout seul, quoi. Alors que mon frère, c'est différent. Il essaie de m'apprendre vraiment les métiers comme il faut. Et parce qu'il a travaillé combien de temps dans son commerce, lui? Mon frère, avant que j'arrive, il avait déjà 20 ans avant. Donc il avait acquis le fonds de commerce 20 ans en arrière avant que toi t'arrives. Avant que déjà. J'arrive, oui, c'est ça. Et donc lui, il s'est dit qu'il voulait revenir en Tunisie, donc il t'a, voilà, t'a donné... Après, moi, quand je suis arrivé, il m'a formé. On a travaillé ensemble pendant quelques années. Après, en 96... Il a décidé lui aussi à son tour de quitter la France et de s'installer en Tunisie. Pendant 10 ans quand même, tu as travaillé avec lui? Mmh. On est resté 10 ans ensemble, c'est ça. Depuis que je suis venu en France, je n'ai pas fait autre chose à part ça. Oui, mais on t'a un peu mis dedans sans vraiment que tu aies envie de le faire, non? On m'a pas demandé mon avis. Tu sais, avant, avec les parents, on ne discute pas beaucoup. Hein. Ils te disent ceci. Déjà, moi, mon père... Il a toujours travaillé, on n'est pas resté ensemble longtemps, hein. Il est toujours étranger. Il n'y a pas le contact où tu dis quelque chose à ton père, tu es obligé de passer par ta maman. Si tu veux faire quelque chose, tu dis « Ah maman, tu peux me dire papa qui me fait ceci, fait cela ». Il n'y a pas le contact direct avec le père, c'est pas comme maintenant, ça a changé, heureusement. Mais du coup, il t'a dit « Bon, bah, tu vas aller en France », tu t'as dit « Ok, quoi ». Oui, voilà, t'as pas le choix et tu peux pas dire non parce que c'est comme ça. En général, les parents veulent le bien de leurs enfants. Après, s'il a dit ça, à mon avis, c'est qu'il y a une raison. Hein, parce qu'il voit peut-être que je travaillais pas très bien à l'école, c'est dit c'est l'opportunité. Parce qu'il y a un âge limite pour venir, en fait, pour le groupement familial. À dépasser 17 ans, tu peux plus venir. Donc, il m'a fait venir avant que j'ai mes 17 ans. Journaliste et écrivain tunisien, Kamel Tmarzizeh consacre une partie importante de son travail à son île natale, Djerba. Il a d'ailleurs écrit un livre au sujet des commerçants djerbiens qui s'intitule les Djerbiens, des commerçants séculaires. J'ai appris à travers l'histoire que l'île de Djerba fut de l'arrivée des Arabes en 646-47 jusqu'à à peu près la fin du 19e siècle, l'île était toujours en guerre. À la suite de ces événements, plus les événements naturels, c'est-à-dire la sécheresse, le manque d'eau et les épidémies qui faisaient ravage parmi la population, ont généré une crise de production dans le domaine agricole. Alors, c'est cette situation qui poussa les insulaires à immigrer afin de s'assurer une vie meilleure. Les Djerbiens gagnèrent à partir du XVe siècle le continent pour cultiver l'orge et surtout l'olivier. Au XVIe siècle, les hommes audacieux immigrèrent plus loin, dans les centres urbains les plus importants du pays, pour y faire du commerce. Ils partaient à Tunis, à Sousse, à Kérouan, à Bizerte ou à Béja, et toujours sans leurs femmes. Certains Djerbiens s'en allèrent tellement loin qu'on trouve encore aujourd'hui des traces de familles djerbiennes dans plusieurs pays étrangers comme en Algérie, au Maroc, en Égypte, en Syrie, en Turquie et même en Europe. Il y a une diversité dans les formes d'immigration, car chaque village de l'île avait une spécialité qui déterminait la destination de chaque population. Ainsi, les potiers du village de Guelala n'allaient que dans les villes portuaires pour exposer leurs poteries. Par contre, les Djerbiens d'autres villages comme Midoun, Mahboubiyin, Trifa, Elmey, Homtsouk, Erkou et Sidrienne partaient pour faire de l'épicerie dans toutes les villes et les villages tunisiens et même dans les villes lointaines en Afrique et en Orient. Ils achetaient aux fournisseurs, en fait, les Djerbiens. Ah oui, il y a des grossistes. Mm-hmm. Parmi les Djerbiens, il y a des grossistes et des détaillants, ce sont les épiciers. Par exemple, il y a quelqu'un qui partait au grand marché pour acheter les fruits, les légumes. Le Rungis, mais en petit modèle. Il partait vers 5h, 4h du matin, il revenait vers 6h, 6h30. Ils exposaient leurs produits dans la boutique. Ces magasins foisonnaient dans tous les quartiers de chaque ville, dans ces épiciers qualifiés par l'écrivain journaliste Hatem Bourriel, je ne sais pas si tu le connais, Hatem Bourriel, de supermarché de 3 mètres carrés. Le client peut, à toute heure du jour et de la nuit, y acheter non seulement toutes les denrées alimentaires et les produits comestibles et cosmétiques, mais également des articles de quincaillerie, de ménage, de condiments, etc. En Tunisie, le rôle de l'épicier djerbien était tel que la population lui avait attribué le qualificatif Djerbi Amsit. Cette appellation Djerbi est devenue le synonyme du vocable épicier. Autrement dit, le terme Djerbi est devenu tellement courant et usité par tous les Tunisiens que les gens disaient par habitude, on ne va pas acheter chez l'épicier, mais ils disent, on va acheter chez Djerbi. Quant au nom Amsid, le surnom Amsid, c'est un titre à la fois honorifique et respectueux, formule qui signifie explicitement oncle bonheur. Alors, madame la présidente. Oh, j'en ai marre du temps, hein. Il est beau, ouais, il était beau aujourd'hui. Ah, oui. Mais on dit journée pluvieuse, journée heureuse. Ouais. Non, vous êtes pas d'accord? Même s'il y a de moins en moins d'épiciers maghrébins dans les rues des grandes villes, j'en ai rencontré quelques-uns pour cette série. Comme Abderrazak Ben Mamar, dit Ben. Lui aussi est originaire de Djerba. Arrivé en France à 14 ans, il est épicier indépendant depuis 25 ans dans le 4e arrondissement de Paris. Je me suis installé ici, c'était exactement au mois de juillet 1997. J'avais 30 ans, donc voilà. Donc j'ai racheté un magasin qui appartenait à l'époque à, je sais pas si les gens le connaissent encore, ça s'appelait des Félix Potin, donc qui n'existait plus malheureusement maintenant. Et depuis, jusqu'aujourd'hui, en 2023, donc je suis là. Donc pour l'instant, on tient encore, et voilà. Donc Vous avez quel âge, du coup, janvier? Là, maintenant, j'ai, on va dire 55, là, à peu près. Voilà, donc on attaque bientôt les 56, mais on reste sur 55. Voilà. 50 commerces indépendants, du coup. Enfin, voilà, depuis, à mon nom propre, donc voilà, donc c'est depuis 1997, donc 25 ans, donc ici, dans ce magasin, voilà. Donc, voilà. Vous aviez travaillé où avant? Moi, si vous voulez, donc je suis d'origine tunisienne, donc exactement d'une île qui s'appelle l'île de Djerba. Bon, après, mon père, il est arrivé en France quoi, en 1961-62, je crois, si ma mémoire est bonne. Par contre, il était épicier avant d'arriver en France, il était épicier à Tunis. Parce qu'avant, le temps, c'était dur. À l'âge de 11 ans, il fallait qu'il parte à Tunis. Il a travaillé dans les épiceries djerbiennes, ce qu'on appelait là-bas. Donc après, 10 ans après, en 61, il est arrivé en France. Il a fait une formation, donc il a aimé l'électricité, il est devenu électricien. Et en 1981, donc il a décidé de nous ramener en France, donc avec ma maman, ma mère et mes deux sœurs. Donc on était trois dans la famille. Donc après, donc on est arrivé, bon, comme certaines dates qu'on n'oublie jamais. Donc je me rappelle, on est arrivé au mois d'octobre 1981 à Paris. Donc voilà. Donc après, bon. Est-ce que vous parliez un petit peu français en arrivant ou... On parlait très très bien le français parce que nous, si vous voulez, nous en Tunisie, on est une, surtout à l'époque, si vous voulez, donc la génération 60-70. On avait 2 heures le matin, c'était du français, et 2 heures l'après-midi, c'était de l'arabe. Ouais, c'était, on apprenait les deux au même temps. Donc, mais bon, on avait notre langue maternelle, donc c'était le berbère qu'on parlait à la maison. Bon, bah, on a été à l'école, donc à l'école, bon, on ne parle pas berbère parce que c'est comme ça. Donc voilà, donc parce que c'est une langue où... après, on était obligé d'apprendre en gros l'arabe et le français au même temps. Donc vous êtes arrivé à 14 ans, vous habitiez où à Paris avec votre famille? J'habite dans, c'est dans le 20e, c'est à côté de métro Père Lachaise, donc on a atterri exactement à la rue des Amandiers, donc ça s'appelle, donc voilà. Donc, et après j'avais la chance d'aller à côté au lycée Voltaire, donc c'était pas loin, donc voilà. Donc, parce que le lycée Voltaire à l'époque, il y avait 2 ou 3 lycées qu'on pouvait avoir l'arabe comme première langue, donc si vous voulez, donc... En général, les enfants qui viennent du Maghreb, donc on essaie de les mettre là-dedans parce que c'est plus facile pour eux, donc en prenant l'arabe, donc voilà. Et bon, après, je suis resté au lycée Voltaire pendant quoi, jusqu'à la troisième, voilà. Et après, je suis parti dans un lycée d'enseignement, ce qu'on appelle professionnel, pendant 2 ans après, donc c'est pour faire un BUP Compta. Et après, on m'a proposé d'aller, de faire aussi... c'est tous les débuts, le début du bac pro à l'époque, en 1987. On m'a dit d'aller faire une première de bac pro. Je me suis inscrit, j'étais pendant 1 mois, je crois, 1 ou 2 mois, si ma mémoire est bonne. Après, j'ai arrêté parce que, bon, il fallait aider papa pour avoir, bien sûr, au niveau financier. Donc, il fallait arrêter ses études pour travailler, voilà, tout simplement. Donc, j'arrivais pas à trouver du travail dans la compta. Comme j'avais... beaucoup de membres de ma famille qui étaient déjà installés, donc ils étaient déjà des commerçants dans l'agroalimentaire. Donc c'est avec eux que j'ai commencé, je dirais, à apprendre le métier. Donc voilà. À quel âge à peu près? Mon premier travail dans un magasin alimentaire, c'était, c'était mois de juin, mai-juin 87, 88 à peu près, c'était ça. C'était donc, où? Le premier commerce, j'ai travaillé avec un cousin à moi, il était situé ici dans à Villejuif exactement, voilà, c'était le premier commerce, c'était à Villejuif. Donc bon, après, comme il y en avait partout, on avait cette chance de pouvoir travailler pendant 1 an, 2 ans ici, aller chez une autre personne, donc sans aucun problème. Mais ça travaillait en communauté en général, donc c'est entre djerbiens, voilà, tout simplement, ce qu'on appelle. Et voilà, donc les berbères marocains, c'est entre berbères marocains, c'est entre eux. Je comprends mieux pourquoi à Tunis, la figure de l'épicier de proximité est aussi associée aux djerbiens dans l'imaginaire tunisien. Pendant que je préparais cette série, c'est en lisant le travail de Dalila Berbaghi que j'ai découvert que les commerçants dans les secteurs de l'alimentation générale sont surtout tunisiens ou marocains. Dalila Berbaghi, donc je suis actuellement donc proviseure adjointe dans un lycée à Stain. Et auparavant, j'étais professeure d'histoire-géographie, donc j'ai fait des études d'histoire et j'ai donc fait une thèse donc sur les commerçants nord-africains dans le département du Rhône, étant donné que je suis originaire de Lyon, de 1945 à 1985. Je vois que dans la thèse, vous reprenez beaucoup la théorie de Mohamed Kérou sur les trois âges du commerce maghrébin. Est-ce que vous pourriez la définir ? Oui. Alors, cette théorie, effectivement, elle a été mise en place par le sociologue Mohamed Kérou. Et il parle en fait des trois âges du commerce nord-africain. Donc c'est en écho aux trois âges de l'immigration algérienne du sociologue Abdelmalek Sayed. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce point de départ. Et lui fixait en fait ces trois âges du commerce nord-africain avec un premier âge de 1870 aux années 1920 qui est celui du colportage et des marchands forains. Ensuite un deuxième âge des années 1920 aux années 1960 où il parle de café mort. Donc les cafés morts, ce sont les cafés nord-africains. Et ensuite, à partir des années 1960, c'est le développement de ce qu'il appelle le phénomène boutiquier. Autrement dit, c'est la sédentarisation justement des commerçants qui auparavant étaient plutôt des commerçants ambulants. Vous dites que du coup, entre 45 et 65, la vente ambulante est dominante. Alors principalement, donc, les activités dominantes, c'était celles du textile. On avait aussi de la maroquinerie tapis. Et aussi des fruits et légumes. Et ça a été beaucoup plus facile pour eux de commencer d'abord dans une activité ambulante parce que ça demande moins de ressources financières et moins d'obstacles, on va dire, administratifs. C'est-à-dire que pour ouvrir un commerce sédentaire, il faut acheter un fonds de commerce et puis procéder à toute la paperasserie administrative qui est beaucoup plus compliquée pour un immigré qui vient d'arriver en France. Alors que pour être vendeur dans un marché, c'est quand même beaucoup plus facile d'accès. Donc c'est ce qui explique que, de manière importante, et aussi l'héritage migratoire, parce que l'héritage migratoire de départ, dans leur pays d'origine, ils étaient surtout commerçants ambulants et non pas commerçants sédentaires. Donc ça s'est d'abord transmis en fait de cette manière-là. Et par la suite, la sédentarisation, c'est aussi le reflet de la sédentarisation elle-même des populations immigrées, puisqu'au départ, ils pensaient venir, c'est le fameux... des illusions de l'immigré aux souffrances de l'immigré, d'Abdelmalek Sayad. Il y avait au départ c'est un peu cette idée de noria, de population qui s'installerait de manière provisoire et qui finalement s'est installée de manière durable. Et donc la sédentarisation, c'est un reflet de l'évolution de la population immigrée elle-même. La date de 1965, c'est là où on a vraiment en fait un changement au niveau de la diversification des origines nationales et la diversification des activités commerciales. C'est-à-dire qu'au départ, 1945-1965, c'est un commerce qui est majoritairement pratiqué par effectivement ceux qui sont originaires d'Algérie. Ensuite, à partir de 1965, on a vraiment l'arrivée de... Alors les commerçants d'origine algérienne sont toujours importants, mais il y a un nombre très important aussi qui arrive de commerçants originaires de Tunisie et du Maroc, mais plus modestement du Maroc. Et là, il y a une diversification commerciale qui apparaît, notamment l'arrivée du secteur de l'alimentation de manière très importante, de la restauration, qui est en même temps un reflet aussi de l'évolution des secteurs commerciaux en France. Ils vont en fait se mettre sur des créneaux en fait, qui sont déjà en fait, existants. Et c'est des demandes qui sont de plus en plus importantes en France. Voilà. Et puis, alors, pourquoi les Algériens ? Pourquoi les Algériens ? Voilà. Parce qu'en plus, les Algériens sont moins nombreux ensuite derrière, en tant que commerçants. Moi, j'ai l'impression que c'est ça que vous constatez dans votre thèse, c'est que les Marocains et les Tunisiens arrivent en 65 et c'est eux qui sont majoritaires, en fait. C'est plus les Algériens. Donc, comment on explique ça, en fait ? Il y a différentes causes qui peuvent l'expliquer. D'abord, effectivement, le statut migratoire et le statut juridique. C'est-à-dire que l'Algérie était une colonie française. Le Maroc et la Tunisie étaient des protectorats. Et de fait, en tant que colonie française, les Algériens qui étaient à l'époque des sujets coloniaux, donc, et ensuite des Français, ce qu'on appelle les Français musulmans d'Algérie, avaient par exemple plus de droits commerciaux que les Tunisiens et les Marocains. Notamment, ils pouvaient ouvrir des cafés notamment des débits de boissons de licence 4, c'est-à-dire qu'ils puissent vendre de l'alcool. De fait, ils ont pu en fait investir dans ce type de commerce. Et parce que c'était aussi une demande à l'époque importante en termes de café, de garni, de logement, des premiers immigrés qui, à l'époque, on le sait, il y avait des offres de logement qui n'étaient pas suffisantes. Et du coup, c'est la réponse à une demande de besoin exprimée par la communauté qui était installée en France. Et puis, bien sûr, après, c'est évidemment le nombre d'immigrants, tout simplement, parce que l'immigration originaire d'Algérie était beaucoup plus importante à l'époque par rapport à l'immigration originaire de Tunisie et du Maroc. Parce qu'il y avait des facilités de voyage entre les deux pays, il y avait moins besoin de documents administratifs. Et comme du coup il y a cet effet de transmission de génération en génération, comme c'était des secteurs qui étaient déjà investis en fait, par les commerçants originaires d'Algérie. Ils ont poursuivi en fait dans ces domaines-là et ensuite se sont ouverts dans d'autres secteurs, la boucherie halal qui était un secteur de plus en plus demandé dans les années 1980-90. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Hein. Il y a quelques Algériens, effectivement, bien sûr, qui ont des épiceries. Mais comme ensuite, après, les ventes et les transmissions se font aussi par réseau de connaissances, et du coup, quand en fait, on a une communauté qui s'est installée, en fait, une population immigrée qui s'est installée dans un secteur, ensuite, la vente et puis les réseaux de connaissances se font après et se poursuivent en fait, dans un même secteur commercial. Le gros problème des années 70, c'était pas facile d'avoir un crédit. Et pour acheter un magasin, il fallait faire le tour de tous les cousins, c'est-à-dire ramasser de l'argent et acheter le magasin. C'était le système qui passait, c'était ça. Donc oui, c'est comme le système chinois, ce qui existe maintenant actuellement. Donc je veux dire, c'est comme ça. Avant, c'était comme ça, c'est-à-dire il fallait faire le tour de tout le monde. C'est des francs, l'autre lui donne 1000 francs, l'autre 2000, 3000. Donc là, il ruinait la somme. Donc on le laisse tranquillement travailler pendant un an, deux ans. Après, il rembourse ses dettes, bien sûr. Et après, donc lui, il doit aider les autres aussi quand ils vont racheter. Donc il faudrait que ça soit de la même manière. C'était ça, parce que avant, on pouvait pas aller. Dès que vous allez dans une banque, ils vous disent ouais, ben comme existe actuellement, mais il faut ramener tellement de paperasse que après, c'était plus facile aussi de réunir la somme entre amis aussi. Les gens, ils étaient plus soudés. L'immigration n'est pas la même que maintenant aussi, parce que. Avant, il n'y avait ni madame, ni les enfants. C'est comme toute immigration, on en, dans la famille, ils sont 3-4 garçons, ils envoient un ou deux, vas-y, toi tu vas en France, tu travailles pour tout le monde. Donc c'était le système. Donc moi, mon père, quand il est arrivé, c'était carrément, il avait son oncle qui l'a pris en charge, et c'est lui qui l'a aidé, après, bien sûr, à trouver du travail, et voilà. C'est un système qui est très ancien, très rodé, pour les Djerbiens notamment, puisque les... Djerba étant une île relativement désertique, il y a une tradition commerçante des Djerbiens qui sont partis et qui sont devenus épiciers dans tout le bassin méditerranéen. Anne-Sophie Bruno, historienne et auteure de « Les chemins de la mobilité, migrants de Tunisie et marché du travail parisien depuis 1956 ». Donc ce système très rodé, c'est un système qui repose sur alors des grandes figures quand même commerçantes au départ, hein, qui participent à l'achat du fonds en mettant en commun la propriété du fonds de commerce. Et une des particularités, c'est que c'est un achat en nom propre, pas sous forme sociétaire, avec du coup un système complexe de copropriété du fonds avec exploitation ou sans exploitation. Et les pionniers de cette alimentation générale, c'est des gens qui s'associent entre égaux, c'est-à-dire entre gens de la même génération. C'est pas des associations parents-enfants, contrairement à ce qu'on a comme image de la petite entreprise familiale. C'est familial ou villageois, mais avec des égaux qui participent de façon inégale. Certains participent à l'achat du fonds en échange d'une partie des recettes, sans s'investir pour autant dans la gestion au quotidien. Certains sont exploitants sans être copropriétaires du fonds. Bref, on a vraiment une très grande variété, avec un entrecroisement de ces réseaux qui est extrêmement important, puisque quand on regarde sur les réseaux de la pâtisserie orientale en région parisienne à la fin des années 70, on a une dizaine de patronymes qui dominent tous les fonds de commerce de pâtisserie orientale. Ils sont tous originaires de Romrassen. Et on a des individus qui sont investis dans 3, 4 ou 5 fonds de commerce, parfois donc avec simplement la propriété du fonds, mais ce qui est peut-être moins connu, c'est parfois aussi avec la propriété des murs, parce qu'une partie de ces migrants des années 60-70 étaient propriétaires de leur logement, étaient propriétaires des murs de leur fonds de commerce, quand bien même certains sont repartis ensuite, mais du coup il y avait vraiment une implantation foncière aussi importante dans certains quartiers. Et donc c'est vraiment un partage des participations croisées extrêmement complexes qui permettent d'intégrer, à la fois de développer une activité et aussi d'intégrer les membres de la communauté à des degrés divers. Parfois c'est juste travailler dans l'entreprise d'un des cousins ou ensuite devenir copropriétaire du fonds de commerce selon des trajectoires très très diverses. Et donc ça permet à des individus qui n'ont aucune tradition personnelle d'un emploi commerçant d'être capable de gérer très rapidement une épicerie sans avoir eux-mêmes travaillé ou sans que leurs propres parents aient eux-mêmes travaillé dans une épicerie ou dans un commerce de restauration et de pâtisserie orientale. نادى الليلي يا مرة بحثاني هنشوف بلادي تتقدمه ندعي للعالي يا رب الفوقاني يشوف من حالها ومن حالي واه. Alors, est-ce que tu peux me dire qui est commerçant dans la famille? La famille est grande famille, ouais, les cousins? Tout le monde. Bah, tous, les Djerbiens, pratiquement 80% c'est des commerçants. Bah, déjà, ton père? Dans notre famille, oui, mon père, mon grand frère. Mon frère, c'est lui qui est beaucoup plus grand que moi, mais moins grand que le grand. Le deuxième frère, on va dire. Et moi, ça fait 4. Avec mon père, on est 4 dans le commerce. Et le mari de ta sœur? Et le mari de ma sœur. Après, les cousins, il y en a beaucoup dans le commerce. Du côté de ta mère et de ton père, en fait? Il y a mon oncle aussi, qui était un grand commerçant. Dans les années 1960, les premiers commerçants qui sont les piliers, on va dire, de ces communautés commerçantes, eux n'ont jamais travaillé que dans l'alimentation ou dans la restauration. Mais dès le milieu des années 1960, on a une partie de la communauté qui commence à sentir, et notamment à partir de 1967-68, qui commence à sentir les effets de la crise économique. On retient toujours la date de 1973 et du choc pétrolier. En fait, la crise a vraiment commencé. Les pouvoirs publics ont conscience du début de cette crise dès les années 67-68. Et on a un début de tour de vis des cartes de travailleurs étrangers dès cette fin des années 60 parce qu'on commence à avoir un ralentissement de l'activité qui pèse sur les travailleurs non qualifiés. Donc une partie des Djerbiens ou des Roms Rasni qui arrivent en France dans la deuxième moitié des années 60 ont beaucoup plus de mal à trouver un emploi salarié, contrairement à leurs grands frères ou à leurs cousins qui venaient d'arriver ne serait-ce que 3-4 ans avant et qui avaient trouvé très facilement un emploi soit dans l'industrie, soit dans les chantiers du bâtiment qui marchaient à plein. Et pour ces individus-là, ne pas trouver d'emploi ou ne pas retrouver un emploi après une période de chômage, puisque c'est souvent des contrats, sur notamment dans le bâtiment, des contrats de chantier, c'est un risque de perdre son titre de travail et donc son titre de séjour. Et donc les opportunités qui auparavant étaient aussi des opportunités des réseaux, parce que en fait, ce réseau qui auparavant était plutôt utilisé pour trouver un emploi dans l'industrie ou dans le bâtiment, devient un réseau qui est utilisé pour se replier sur le travail indépendant, qui du coup connaît une croissance extrêmement, extrêmement importante à partir des années 70. En demandant à plusieurs épiciers maghrébins, dont mon père, j'ai appris que certains d'entre eux ont racheté à leur arrivée des fonds de commerce appartenant à l'enseigne Félix Potin. Qui est Félix Potin? Et plus globalement, comment fonctionnaient les petites épiceries en France au XIXe siècle? On remonte un peu dans le temps avec Alain Faure, historien et auteur de l'article « L'épicerie parisienne au XIXe siècle ou la corporation éclatée » publié dans la revue Le Mouvement Social. Il faut peut-être définir d'abord ce qu'on entend par épicerie traditionnelle. Hein. C'est une épicerie qui est caractérisée par un très grand nombre de produits, bon, ça c'est pas une nouveauté, déjà au XVIIIe siècle, même avant, caractérisée par un grand éventail de produits, hein, qui sont ceux d'aujourd'hui, moins le frais et moins le vin. Bon, donc cette épicerie a continué et elle a surtout prospéré, elle s'est greffée, si vous voulez, sur les classes populaires. Ben, c'est critiquable de dire ça, parce qu'il y a toujours une épicerie des beaux quartiers, hein, mais Il me semble que la clientèle la plus caractéristique de cette épicerie traditionnelle, indépendante, c'est la clientèle populaire. Il ne faut pas oublier que Paris reste, jusqu'en 1950, hein, une ville industrielle et ouvrière. Et on voit bien des grands traits, si vous voulez, de ce commerce qui ont pu être battus en brèche par différentes évolutions, mais qui ont quand même constitué sa force. Hein. Par exemple, le plus frappant, c'est le petit détail. À cette époque, enfin 19e siècle, même avant, hein, la clientèle achète par toute petite quantité. Hein, on va acheter 30 grammes de café, on va acheter un petit verre de rhum, et plusieurs fois même dans la journée. Hein. Petit détail qui s'explique par une certaine façon de gestion du budget populaire. Hein. Les salaires sont hebdomadaires. Donc la femme fait ses achats à l'échelon d'une semaine. Et ça a des conséquences importantes dans la mesure où, pendant très longtemps, ça marchait avec le fait que on vendait du vrac. C'était des tonneaux, c'était des sacs, et on puisait dedans pour servir la clientèle, donc par tout petit bout. Deuxième caractéristique, c'est le crédit. Ça, c'est très important, le crédit. Alors évidemment, le petit commerce n'a jamais aimé le crédit, hein, ça c'est sûr, parce que c'est très dangereux. Il faut savoir jouer avec ceux qui payent, ceux qui payent pas, et puis beaucoup se cassent la figure à cause de ça. Troisième caractéristique, c'est pendant longtemps l'importance de l'autoproduction. Pendant très longtemps, l'épicier a brûlé son café, par exemple. Alors, l'évolution a fait que des industriels se sont emparés de ces productions et c'était plus possible de lutter à ce moment-là. Donc, l'épicerie traditionnelle a dû abandonner quelques-unes de ces productions, quoi, personnelles qui devaient assurer, je pense, une partie de la marge. Hein, c'est probable. Chez Félix Potin, le matin, il venait prendre son turbin, car il était de son métier, garçon épicier, des plus appréciés. Il avait du goût, du bagout, à ces dames il plaisait beaucoup. Elles se disputaient le grand honneur de l'avoir pour vendeur, car il était vraiment charmant, quand il disait très poliment, avec sa madame, je suis à vous, qu'est-ce qu'il vous faut? Avec sa madame, je vous garantis, mais pour une eau. Avec sa madame, la belle asperge d'Argenteuil, profitez-en, c'est à l'œil. Avec sa madame, un petit cœur à la crème fouettée. Avec sa madame, plus rien, c'est bon, je vais débiter. Acceptez-en, prie, madame, ces trois brins de persil. Et c'est moi qui vous remercie. Dans votre article, vous dites notamment que la corporation a éclaté en faveur du géant Potin. Est-ce que vous pourriez raconter un peu cet épisode? Oui, alors Potin. Il faut faire attention parce que il y a eu deux Potins. Hein. Le Potin, d'abord, à l'image, si on veut, des grands magasins de nouveautés. Hein, le Bon Marché, le Printemps, etc. Et Potin a eu l'idée, enfin, de prendre certaines techniques de vente, de boussicots ou autres. Hein, notamment le fait d'attirer la clientèle par des articles gâchés, comme on disait. C'est-à-dire où les marges sont faibles pour attirer la clientèle qui achète le reste, quoi. Hein, Félix Potin, on y revient. C'est ça. Il y a des techniques commerciales imitées du grand commerce de détail des nouveautés, mais aussi, un point très important, c'est Potin est un industriel. Il a des centaines et des centaines d'ouvriers. C'est-à-dire, il fait en plus grand, en gigantesque, ce que faisait le petit épicier avec son chocolat ou son café. Et donc, ça interdit le petit détail. Et bien sûr, bannissement complet du crédit. La clientèle, elle est bourgeoise de Potin. On est encore là en 1914, hein, jusqu'en 1914. Et là, Potin a eu des émules, des grandes épiceries qui aujourd'hui ont disparu, enfin, qui n'ont pas laissé beaucoup de souvenirs, comme Luce ou Couté ou La Sadla, qui étaient sur le même modèle. Hein. Damois aussi a commencé comme ça. Et autrement dit, la clientèle traditionnelle des épiceries traditionnelles n'allait pas là. Donc ça veut dire que la concurrence à cette époque, la concurrence entre ces grandes formes de commerce et l'épicerie est très réduite. Mais la petite épicerie n'a pas, dans un premier temps, souffert de ces formes nouvelles. Et à partir de quand, du coup, l'Empire Potin se met en concurrence avec les petits épiciers ? C'est la deuxième phase de Potin qui est la phase succursaliste. C'est peut-être pour la petite épicerie une concurrence beaucoup plus directe que le grand magasin. Les magasins à succursales multiples, ça apparaît d'ailleurs dans des coins très précis. C'est Reims, avec les Docrémois, qui est devenu les Familistères, Goulet-Turpin. Et il y a l'autre centre, c'est Saint-Étienne, avec Casino, fondé par Geoffroy Guichard. Ces maisons-là, souvent appuyées sur un secteur industriel, elles-mêmes, ont l'idée d'installer des petites boutiques dans tous les quartiers. C'est ça, succursale multiple. C'est-à-dire que c'est très redoutable pour le petit commerçant, parce que ça a l'aspect du petit commerce, puisque c'est une petite boutique, c'est le voisin, hein, c'est il paye pas plus cher son bail, mais en même temps avec les techniques du grand commerce, c'est-à-dire conditionnement, produits qui sont imposés par la maison, évidemment avec le prix imposé à la maison par celui qui tient la succursale, le succursaliste, qui est un salarié, à vrai dire, enfin un peu particulier, mais qui n'est quand même qu'un salarié, mais qui lui, évidemment, c'est aussi son handicap, ne peut pas adopter les formes classiques du petit commerce. Le petit détail, ce n'est pas possible. Le crédit aussi, pas question. Mais malgré tout, la présence de ces succursales, ou le dynamisme aussi du succursaliste, pouvait faire qu'un commerçant traditionnel soit touché par cette proximité, si vous voulez, de concurrence. Qui n'est pas vraiment une concurrence sur le même plan, mais qui est quand même... qui peut séduire des consommateurs, ceux qui ont moins besoin du crédit, qui font plus confiance à la pub, enfin, ce genre de choses. C'est une tentative de greffe sur la clientèle populaire, qui a fait du mal aux épiciers traditionnels. Cette épicerie... qui a du coup résisté à toutes les vagues de révolution commerciale, à l'arrivée des Félix Potin, des Uniprix et Prix Unique, commence à vraiment être attaquée par l'arrivée des supermarchés, des hypermarchés. Alors pas tout à fait dans les années 60, mais alors à la fin des années 60. Et au début des années 70, on a vraiment un début de raz-de-marée pour le commerce alimentaire. L'ouverture des premiers centres commerciaux régionaux, qui étaient des lieux de visite déjà. Les gens allaient se promener, puisque c'était l'objectif, en fait, de ce modèle, là encore, importé des États-Unis. Et très rapidement, avec l'essor de la voiture, la banlieue s'est peuplée de ces super et de ces hypermarchés qui ont commencé à vider sacrément les alimentations générales. Et du coup, pour les épiciers... installés, qui étaient souvent des épiciers originaires de province, hein, qui arrivaient à 60 ans, impossible de vendre son fonds de commerce, parce qu'il n'y a plus de repreneurs, parce que qui va s'installer dans ce commerce en plein bouleversement. Et donc ces années 60-70, c'est à la fois un bouleversement du marché du travail salarié, de l'emploi industriel, du marché du travail dans le bâtiment, c'est... à la fois une transformation des conditions de séjour et de travail des étrangers, et c'est aussi un moment de révolution du commerce de l'alimentation. Et tous ces facteurs-là vont se croiser pour donner naissance à une nouvelle figure, qui est la figure du petit épicier maghrébin, qui est en fait un djerbien ou un originaire de Sousse pour les Marocains, qui vont saisir ces opportunités nouvelles. Parce que on a une clientèle des quartiers populaires qui reste encore très dépendante de ces petits commerces alimentaires. Femmes, nous sommes prises à la gorge par les gros à la solde de l'étranger. C'est dur à dire, femmes, mais nous allons devoir vendre l'épicerie. Madame Lefranc opina du sous-chef car c'était une femme réservée. Or, l'épicerie, forcément, dans l'état où elle était, personne n'en voulait. À quelque temps de là... alors qu'il glougloutait ses petits blancs en maudissant le Maghreb, Vichy Saint-Yor et les établissements Mammouth, Monsieur Lefranc vit venir à lui un petit homme bien mis, quoique de type relativement basané. « Bonjour, monsieur, dit le petit homme. Vous êtes bien Monsieur Lefranc ?»« Qu'est-ce qui me veut, ce melon ?» dit Monsieur Lefranc, prenant la salle à témoin de l'outrecuidance de l'intrus. Je vous demande pardon, dit le petit homme, je ne suis pas un melon, je suis épicier. Je m'appelle Rachid Jarkaoui. J'ai entendu dire que vous cédiez votre magasin, ça m'intéresse, voilà, c'est tout. Oh ben merde alors, dit Monsieur Lefranc en tapant sur la table. Ça me ferait vraiment trop chier de voir un feignant de bigot dans mon magasin. Plutôt crever. Après cet ainsi brillamment exprimé, Monsieur Lefranc se dit qu'il n'aurait probablement pas deux fois la chance de rencontrer un pareil gogo. Et dès le lendemain matin, en toute discrétion, il signait la cession de son bail à Monsieur Rachid Jarkaoui. Il y a une concurrence déloyale qui est dénoncée aussi par les commerçants nationaux et notamment les épiciers français qui ont le sentiment effectivement d'être victimes d'une double concurrence. Double concurrence parce qu'ils estiment être en concurrence vis-à-vis des épiciers maghrébins qui ont des amplitudes horaires qui sont beaucoup trop importantes et sur lesquelles ils ne veulent pas greffer leur temps de travail. Et ensuite la concurrence évidemment des grandes surfaces qui met évidemment en difficulté le petit commerce de proximité. Parce que ce n'est pas évidemment les mêmes prix, et ils se retrouvent en difficulté. Et là du coup effectivement il y a énormément d'articles de presse qui retranscrivent les témoignages d'épiciers françaises qui parlent d'invasion, je cite, de concurrence déloyale, ils ne sont jamais en règle, ils ne payent ni impôts ni charges sociales. Il y en a même certains qui disent bientôt il n'y aura plus de commerçants français. Et donc ça, ces expressions, elles sont issues de plusieurs articles que j'ai consultés à l'époque. Par exemple, Le Monde du Dimanche, le 30 septembre 1979, dont le titre est « Les petits épiciers de l'aube du soir et du dimanche ». Et un autre article de Jeune Afrique, toujours dans cette même période, 1979. Donc on voit que c'est une période où justement ça se crispe au niveau, dans un contexte de crise économique vis-à-vis des commerçants étrangers. Et là, le titre de Jeune Afrique s'intitule « Une nouvelle race entre guillemets d'épiciers ». Et là, pareil, on retrouve exactement les mêmes termes, concurrence déloyale, les épiciers français qui se sentent en difficulté, qui du coup donc dénoncent en fait la concurrence qu'ils estiment donc vivre de la part des épiciers maghrébins et particulièrement tunisiens. Finalement, cette crainte de la concurrence déloyale, très rapidement, elle est mise en sourdine et on en trouve des traces quand on observe la délivrance des cartes de commerçants étrangers qui sont délivrées par les chambres de commerce et d'industrie. Et donc, ce sont des élus, des représentants des syndicats de travailleurs indépendants qui siègent à la chambre de commerce et qui sont chargés d'examiner les demandes des étrangers qui souhaitent s'installer en tant que commerçants. Et en fait, on se rend compte qu'alors, tout d'abord, dans l'alimentation générale, ils obtiennent leurs cartes. Parce que à la fois la chambre de commerce est favorable à cette reprise parce qu'il n'y a pas d'autres repreneurs, et les pouvoirs publics sont aussi favorables à cette solution qui est une façon d'éviter d'avoir une crise de l'emploi difficile à gérer. Il ne faut pas oublier que ces cartes d'artisans et de commerçants étrangers sont mises en place suite à des campagnes xénophobes extrêmement vives dans les années 1930. Là aussi, dans un contexte de crise économique, on accuse tout de suite les étrangers de concurrence déloyale. Claire Zalk, historienne et auteure de Melting Shops, une histoire des commerçants étrangers en France. Je lui ai demandé si la mise en place de cette carte n'était pas un moyen de limiter l'accès au commerce indépendant pour les étrangers. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en 1932, il y a une loi de protection du travail national qui va fixer des quotas de main-d'œuvre étrangère dans tout un ensemble de secteurs. Donc vous voyez, c'est des mesures très strictes sur le travail salarié. Et puis, il y a des grands rapatriements en masse de travailleurs vers la Pologne, vers la Tchécoslovaquie. Donc c'est un grand mouvement de refoulement de la main-d'œuvre étrangère. Pour ceux qui ne veulent pas repartir, le commerce est encore un secteur ouvert. Donc on va avoir une explosion justement dans le registre du commerce, des immatriculations de commerçants. C'est vraiment une conséquence de la fermeture du marché du travail. Et comme c'est un secteur encore ouvert, et alors c'est très, très rarement des commerçants tels que vous les imaginez, c'est le commerce ambulant, d'abord et avant tout. C'est-à-dire, on s'inscrit pour avoir, comme je disais, une preuve de son séjour en France et pour échapper aux restrictions sur l'emploi du travail salarié. Donc la carte de commerçant étranger et la carte d'artisan étranger, c'est pour tenter de mettre un frein à ces possibilités d'échapper aux contractions du marché du travail salarié où on va mettre en premier au chômage les étrangers, comme c'est souvent le cas. Et donc, il se dirige vers l'univers du commerce, et là, va y avoir en plus ces restrictions. À partir de quel moment ces cartes ont été rendues obligatoires pour la population maghrébine? Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Effectivement, les Tunisiens étaient exemptés jusqu'en 1978. Parce que les Tunisiens avaient un statut dérogatoire d'un point de vue du droit des étrangers. Et c'est pareil pour les Marocains. Et c'est pareil pour les Marocains. Cette dérogation, elle a été instaurée au moment des négociations du passage à l'indépendance parce que il y avait beaucoup de Français qui avaient maintenu des activités indépendantes en Tunisie. Et du coup, selon un principe de réciprocité en droit international, pour maintenir la liberté d'installation des activités entrepreneuriales des Français en Tunisie, il y avait besoin de maintenir cette liberté d'entreprise pour les Tunisiens en France. C'était pareil pour les Marocains. À la fin des années 70, on a un déclin de cette nécessité et dans les arbitrages qui sont faits par les administrations françaises, l'intérêt de maintenir une liberté d'installation a largement décliné et le besoin d'un contrôle est plus fort parce que, vu la fermeture du marché du travail salarié, la fermeture des frontières à tout nouveau travailleur depuis 1974, il est apparu que l'installation à son compte était devenue une voie de contournement pour éviter la fermeture du marché du travail. Et donc les administrations françaises ont décidé d'élargir, d'étendre cette obligation d'obtenir une carte de commerçant aux dernières populations qui en étaient exemptées. Alors ça n'a pas duré longtemps, puisqu'en 1984, la carte de commerçant a été en partie supprimée pour ceux qui avaient déjà une carte de résident en France. Donc c'est vraiment une très courte période de contrôle et qui n'a pas abouti pour les Tunisiens et les Marocains à des entraves à l'installation parce que justement, il y avait une exception pour le petit commerce. Pour cette série, je me suis réapproprié l'expression « l'arabe du coin » alors même qu'elle me met en colère. Mais je pense que c'était important pour moi de la décortiquer. Selon Anne-Sophie Bruno, l'existence de cette figure a impacté positivement la perception de l'immigration maghrébine en France. On voit aussi cette transformation avec la figure de l'épicier, alors qui est pas tout à fait maghrébin, mais qui est un épicier arabe, qui est dans le film Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran avec Omar Sharif, qui est l'incarnation même de la protection paternelle, de la tolérance, et qui rappelle voilà cette figure qui est vraiment devenue une figure importante et qui montre une visibilité positive, on va dire. Et donc petit à petit, ça. Voilà, d'une forme de méfiance, l'épicier c'est devenu celui qui rassure, celui chez lequel on peut se réfugier et celui qui rend des services que personne ne veut rendre. Salut monsieur. Bonjour monsieur. Ça va ? Oui. Je voudrais une paire de chaussures en croco, c'est pas possible ? Oui, les chaussures, voilà. Regardez, voilà. Voilà. Vous voulez le cirage avec ? Non. Non, je voudrais la petite pendule plaquée or, là, puis aussi le cadre de Marrakech avec la lumière qui s'allume à l'électricité autour, c'est pas possible non plus. Marrakech ? Oui, bien sûr. Vous voulez que je l'amène à la maison ? C'est possible aussi ? Oui, bien sûr, oui. Et si je te demande, en plus des cacahuètes, oui. Le costume bleu, là, qui est joli, et que je te paie plus tard, tu vas pas me dire que c'est possible ? Oui, bien sûr, voilà. Regardez. Vous allez faire la signature, voilà. Et ça, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Pour moi ? Oui. La SNCF, si possible. C'était une figure positive et en même temps pleine de stéréotypes parfois quoi. On le voit dans les sketchs par exemple, c'est celui qui ferme jamais, qui a absolument tout dans son magasin, voilà. C'est... Alors, caricature ou pas, parce que Hassan CF, si possible, effectivement, ça répondait à des besoins alimentaires du quotidien où vous êtes sûr de trouver une plaquette de beurre, de la farine et à toute heure quand même. Et donc ça, derrière les clichés, il y a toujours un peu de vrai. Et l'épicier, encore une fois, au XIXe siècle, il avait à toute heure tout ce dont on avait besoin en produits de base. Donc pour moi, cet investissement dans la figure de l'épicier maghrébin, c'est quand même une reconnaissance de cette de cette mise en visibilité et d'une fonction qui a été une fonction extrêmement importante dans les quartiers populaires. Donc ça va avec voilà tous les désordres de la caricature, mais c'est quand même un rôle qui a été extrêmement central et peut-être qui n'a pas été totalement remplacé. Je me rappellerai toujours, j'avais une cliente, elle était très franche, en parlant comme ça, parce qu'à un moment, elle me dit, écoute, il va falloir qu'ils me disent comment tu t'appelles, parce que des fois, on dit, tu vas chez, par exemple, l'arabe du coin, ou un truc comme ça. Elle me dit, au moins, on connaît le nom de la personne, on dit, tu vas chez Ben, tu vas me ramener un kilo, une bouteille de lait pour nos enfants. Donc ça, il y en a qui vous le disent, et qui parlent avec vous, qui vous le disent. C'est important aussi, je crois. Moi, personnellement, je préfère que ce soit Ben l'épicier que l'arabe du coin. Donc, en France, on dit bah, l'arabe du coin. Je vous ai dit avant, à Tunis, on disait le djerbien du coin. Bah, disons que c'est comme si vous dites à quelqu'un, allez, va chez le chinois du coin. C'est pas... Je trouve que c'est pas bon. Enfin, moi, je trouve que c'est pas bon, mais après, chacun... C'est l'éducation, vous savez, comment on a été éduqué. Donc, je crois qu'il y a des gens qui vous disent, vous allez chez le boulanger. Bon, bah, le boulanger... même si c'est, je veux dire, ça peut être un maghrébin, ça peut être un autre, je veux dire, c'est un boulanger, ça s'arrête là. Donc. C'était Quel arabe du coin, épisode 1, l'épicier de Djerba. Merci à Jamel Rejbi, Wadi Berish, Abderrazak Ben Mamar, dit Ben, Dalila Berbagui, Kamel Tmarzizé, Anne-Sophie Bruno, Claire Zalk et Alain Faure. Documentation, Anne-Lise Signoret. Prise de son, Fabien Gosset, Lucas Derode et Nicolas Depagraf. Mixage, Manon Houssin. Attaché de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Réalisation, Anne de Pelchin. Un documentaire de Noujoud Rejbi. حتى بالشمس وين غير عليك